Chapitre 44 Un conte en garnison. 15 jours s'étaient écoulés depuis que les soldats du pape avaient établi leur quartier dans le village de Val d'Orno. Le soleil venait de se plonger majestueusement dans les eaux de la mer tyrrhénéenne, et les habitants s'étaient, pour la plupart, calfeutrés chez eux. Ils se souciaient peu de rencontrer la nuit dans les rues leurs hôtes militaires, de peur que, confondus avec des ennemis, on ne vida lestement leurs poches du peu d'argent qu'ils avaient gagné pendant le jour. À la même heure, le commandant de ce détachement, soi-disant protecteur, assis dans le salon du syndic, en compagnie du père et de la fille, déployait en l'honneur de cette dernière toutes les grâces de sa personne et son phébus le plus alambiqué. Après avoir effleuré divers sujets, la conversation tomba sur les brigands, thème des plus palpitants, comme on peut le supposer, pour les habitants de Val d'Orno. À cette occasion, elle eut spécialement pour objet l'Inglésé captif, dont le capitaine avait naturellement entendu parler, puisqu'il avait été officiellement informé de tous les détails relatifs à sa présence dans le village. « Povero, » dit Lucetta, presque à mi-voix, « je voudrais bien savoir ce qu'il est devenu. Penses-tu, papa, qu'il lui ait rendu la liberté ? J'en doute fort, mon enfant. Ils ne le relâcheront qu'après avoir touché sa rançon. Et combien te crois-tu qu'il demande ? « Vous me feriez croire, signorina, » dit le capitaine comte, « que vous auriez idée de la payer vous-même ? » ?»« Oh, très volontiers, si je le pouvais. » »« Vous semblez porter à cette Inglesse un profond intérêt. »« Uno povero pittore. » Ces derniers mots furent prononcés d'un ton de sarcastique mépris. « Uno povero pittore ?» s'écria la jeune fille avec un regard indigné. « Sachez, signor comte Guardioli, que mon frère est uno povero pittore, et aussi fier de l'être que je le suis, moi, sa sœur. » « Mille pardons, signorina. J'ignorais que votre frère fût un artiste. Je ne parlais que de ce pauvre diable d'Inglaise, qui, après tout, pourrait être non pas un peintre, mais un espion de ce monstre de Mazzini. D'après les dernières nouvelles, cet abominable imposteur est arrivé à Gênes, et comme il vient directement d'Angleterre, cet individu n'est probablement qu'un poisson-pilote, chargé d'éclairer la voie du requin. Peut-être est-ce fort heureux pour lui d'avoir été enlevé par les brigands. » S'il tombait entre mes mains et que je découvrisse en lui un espion, je n'attendrais pas la riscata pour lui passer autour du cou une belle cravate de chanvre. L'indignation qui gonflait le cœur de Lucetta se manifesta par la pâleur de ses joues et le double éclair de ses yeux. Avant qu'elle eût eu le temps de répondre, on frappa discrètement à la porte du salon. « Entrez !» s'écria le capitaine, qui en était venu à considérer la demeure de son hôte comme la sienne propre. La porte s'ouvrit. Et le sergent d'ordonnance de la troupe se présenta sur le seuil, en faisant le salut militaire. « Qu'y a-t-il ? » demanda l'officier. « Un prisonnier, » répliqua le sergent, en portant de nouveau la main à son shako. « Un des bandits ? » ?»« Non, capitaine, au contraire, c'est un individu qui prétend avoir été leur prisonnier et s'être échappé de leurs mains. « À quoi ressemble-t-il ? » ?»« C'est un jeune homme vêtu en citadin, un Inglais, je crois, bien qu'il parle italien aussi bien que moi. » Le syndic se leva de sa chaise. Lucetta s'était déjà élancée de la sienne avec une exclamation de joie en entendant le mot « Inglès ». Le captif évadé ne pouvait être autre que celui dont on venait de parler et auquel elle pensait depuis longtemps. « Signor Torriani, » dit le capitaine en se tournant vers son hôte, et avec un accent qui prouvait que lui aussi était enchanté de la nouvelle. « Ce serait abuser de votre hospitalité que de vous rendre témoin de l'accomplissement de mon devoir. Permettez-moi de vous quitter. » et d'aller examiner la capture que viennent de faire mes hommes. « Ne vous dérangez pas, signor capitaine, » dit le syndic. « Vous êtes libre de faire amener ici le prisonnier. »« Oh oui, » ajouta Lucetta. « Qu'il vienne. Je me retirerai si ma présence vous gêne. »« Certainement non, signorina, à moins que vous ne le désiriez vous-même. Ce garçon, si je ne me trompe, est le povero pittore, auquel vous portez tant d'intérêt. Faut-il donner l'ordre de le faire monter ?» Giardoli le désirait évidemment. Lucetta aussi. Mais pour un autre motif. Le capitaine voulait faire montre de sa puissance discrétionnaire en présence du pauvre jeune homme, dégradé par une double captivité. La jeune fille obéissait à cet instinct de protection inné au cœur des femmes, en même temps qu'à une partialité qu'elle aurait eu bien de la peine à s'expliquer à elle-même. De ses sentiments géminés, il résulta que bientôt après, le sergent revint amenant le prisonnier. C'était Henri Hardigne. Le jeune Anglais sembla moins surpris de la compagnie devant laquelle il comparaissait que du caractère même de son introduction. À peine échappé des mains des bandits, il ne comprenait pas qu'il fût encore prisonnier. Il n'en pouvait douter, cependant. Les soldats, sourds à ses protestations, avaient pris soin de l'en convaincre par la brutalité de leur manière. Il dit qu'il se trouvait actuellement en présence de leur commandant. Peut-être cette entrevue devait-elle avoir pour conséquence son élargissement. Abstraction faite du capitaine, un seul coup d'œil lui suffit pour reconnaître ceux devant lesquels il se trouvait. La physionomie du syndic, qu'il avait aperçue en traversant le village avec les brigands, était restée gravée dans sa mémoire, mais plus encore celle de la fille du magistrat. Lucetta se souvenait aussi du captif. Sa tête tenue, car il n'avait pas de chapeau, ses cheveux bruns relevés sur les tempes, permettaient à la jeune fille de retrouver, en dépit du délabrement des vêtements, les beaux traits et les formes viriles qui, à la première vue, avaient fait sur son esprit une si étrange impression. Dans ses haillons, Henri paraissait plus fier que jamais, et sa physionomie, enflammée par une noble indignation, lui donnait l'apparence d'un jeune lion s'irritant des obstacles nouveaux qu'on lui donne à surmonter. Il n'était pas garrotté, mais il n'était pas libre. Au moment même où il aurait voulu se montrer dans toute l'indépendance de sa nature, en présence d'amis. Il savait que l'homme revêtu d'habits civils était le père de son ami Luigi, que la jeune fille était sa sœur, cette petite Lucetta, si bien développée à cette heure qu'elle était devenue femme dans toute l'acception du mot. Naturellement, ni l'un ni l'autre ne le connaissait, lui, que pour l'avoir vu passer sous l'escorte des bandits. Il sentait qu'il n'était pas temps encore de déclarer sa personnalité, et pourtant le regard que lui avait lancé Lucetta au moment de son entrée dans le salon, lui disait clairement que la muette sympathie manifestée au captif de Corvino subsistait encore dans toute sa plénitude.